نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. Nous avions évoqué précédemment que Moussa, alayhi salat wa salam, insistait auprès de Pharaon à ce que ce dernier relâche les enfants d'Israël et qu'il mette fin à leur esclavage. Pharaon repoussait toujours l'échéance et essayait de gagner du temps afin de trouver le moyen de réduire l'influence de Moussa sur son peuple. Allah Jalla Jalalu lui fit goûter les 7 calamités qui étaient censées le faire revenir à la raison et répondre aux exigences de Moussa. C'est cette calamité à l'issue desquelles la situation de Pharaon n'évolua pas. Allah tabaraka wa ta'ala donna des directives à Moussa et Haroun alayhi salam afin de préparer leur peuple à quitter les terres d'Égypte à l'insu de Pharaon et de son armée. Ces dispositions tendaient à donner une certaine avance des enfants d'Israël sur Pharaon qui se rendrait compte tôt ou tard de leur fuite et se mettrait à leur poursuite. À cet effet, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: Wa awhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Fa arsala fir'aun fil mada'ini hashirin. Inna ha'ula'i la shirzimatun qalilun wa innahum lana lagha'izun wa inna la jami'un hadirun. Fa akhrajnahum min jannatin wa 'uyunin wa kunuzin wa maqamin karim. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. Ce sont les versets de la sourate 28, de 52 à 68. Allah dit dans le sens des versets: Et nous révélâmes à Moussa: Pars de nuit avec mes serviteurs, car vous serez poursuivis. Puis Pharaon envoie des crieurs publics dans toutes les villes qui disaient: C'est en fait un petit groupe et peu nombreux, mais ils nous mettent en colère. Nous devons tous être prudents. Ainsi, nous les avons fait quitter des jardins, des sources, des trésors et un lieu de séjour agréable. Et il en fut ainsi. Et nous avons donné l'équivalent en héritage aux enfants d'Israël. Au lever du soleil, ils les poursuivirent. Et dans une autre compréhension du verset, ils les poursuivirent en direction de l'est. Puis, lorsque les deux groupes se virent mutuellement, les compagnons de Moussa dirent « Nous allons être rejoints ». Il dit, Moussa, « Pas du tout, mon Seigneur est avec moi, il va me guider ». Nous révélâmes alors à Moussa « Frappe la mer de ton bâton ». Celle-ci se fendit, laissant apparaître plusieurs chemins et chaque versant était-elle une énorme montagne. Nous fîmes approcher Pharaon et son peuple jusqu'à la mer. Et nous sauvâmes Moussa et tous ceux qui étaient avec lui. Ensuite, nous noyâmes les autres. Voilà bien un signe évident, mais la plupart d'entre eux ne croient pas, et ton Seigneur est vraiment le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. Allah tabaraka wa ta'ala informa son messager qu'ils seront poursuivis. Cela dans le but de pousser Moussa à organiser leur départ de la meilleure des façons en prenant toutes les précautions nécessaires. Une nuit venue, les enfants d'Israël, sous l'impulsion de Moussa et de son frère, sortirent discrètement de leur demeure et partirent en direction de l'est, vers la mer Rouge, qu'on appelait à l'époque la mer de Souf. Le lendemain, leur disparition fut découverte et on en informa Pharaon qui décida d'envoyer dans chaque ville une police afin de les traquer, car ils n'avaient pas la moindre idée de la direction que les croyants suivirent. Ces traqueurs s'arrêtaient dans toute grande ville et disaient aux gens: C'est en fait un petit groupe et peu nombreux, c'est-à-dire peu nombreux face à l'armée de Pharaon, et ils nous mettent en colère. C'est-à-dire qu'ils pratiquent des actes ou des choses, ou font des choses, qui provoque notre colère. Et ils essaient en même temps de les impliquer dans leur traque en disant « nous devons tous être prudents », comme si ceci était une obligation collective. On a l'impression ici que l'histoire du cas des enfants d'Israël avait parcouru les quatre coins du pays et que les gens savaient de qui parlait le traqueur. Ces derniers les qualifièrent de groupes insignifiants afin de les dévaloriser et les mépriser. Et cela, bien sûr, devant l'armée de Pharaon. Il fut dit que le nombre des enfants d'Israël qui s'enfuirent et quittèrent l'Égypte était d'environ 6 000. Wallahu a'lam. Pharaon apprit que Moussa et les siens avaient pris la direction de l'Est. Et Allah dit à Baraka wa ta'ala, ils les poursuivirent en direction de l'Est. C'est une des compréhensions de ce verset. Les enfants d'Israël étaient à pied alors que Pharaon et son armée les pourchassèrent à dos de monture. Ils allaient certes les rattraper, sans aucun doute. L'avance qu'avaient pris Moussa et les siens n'allait peut-être pas suffire. Par la suite, les armées de Pharaon rattrapèrent les croyants. Et lorsque les deux groupes se virent mutuellement, les compagnons de Moussa eurent cette crainte légitime et dirent « nous allons être rejoints ». Cependant, Moussa alayhi salat wa salam, le grand messager d'Allah, plein de confiance envers son Seigneur, leur dit, comme pour les rassurer, « il n'en est rien, mon Seigneur est avec moi, il va me guider ». Moussa avait pleine confiance au secours d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Car Allah l'avait déjà rassuré auparavant en lui disant, « Inna ma'akum mustami'un » Sourate numéro 10, le verset numéro 15. « Je suis certes avec vous, entendant ». Moussa se devait de les rassurer, et même s'il parlait ici avec le pronom personnel à la première personne, cette parole les englobe aussi, car il est leur chef, et le miracle s'opérera à travers lui. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, nous commente ces versets coraniques en disant « Les exégètes ont dit que Pharaon partit à la poursuite des enfants d'Israël à la tête d'une armée immense. Il les rattrapa avec ses armées au lever du soleil. Les deux groupes se faisaient face et se voyaient distinctement. L'affrontement et le combat semblaient alors inévitables. Voyant cela, les compagnons de Moussa prirent peur et dirent « nous allons être rejoints » car ils se dirigeaient vers la mer et n'avaient d'autre échappatoire que de la traverser, ce que personne ne pouvait faire. De hautes et infranchissables montagnes les cernaient à leur droite ainsi qu'à leur gauche. Et Pharaon se dirigeait vers eux et les bloquait. Il le voyait lui et ses armées impressionnantes tant par leur nombre que par leur arsenal. La crainte et la frayeur s'emparèrent d'eux au souvenir des persécutions qu'ils avaient subies sous le joug de Pharaon. Ils avouèrent leur peur et leur vision à leur prophète sincère et véridique qui leur répondit « Pas du tout, mon Seigneur est avec moi, il va me guider ». Moussa était à l'arrière de la troupe. Il se rendit au devant et regarda vers la mer aux vagues déchaînées, rejetant son écume en disant « c'est vers cet endroit que j'ai reçu l'ordre de me diriger ». Était avec lui son frère Haroun, ainsi que Yusha ibn Nun, alayhim as-salam. Yusha ibn Nun, qui était alors l'un des plus grands dignitaires, savants et adorateurs des enfants d'Israël. Et Allah lui accordera par la suite la révélation et fera de lui un prophète après Moussa et Haroun, comme nous le verrons plus tard, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. Le croyant aussi de la famille de Pharaon était également présent à leur côté. Lorsque la situation devint intenable et désespérée, alors que les armées de Pharaon s'approchaient avec leur nombre, leur importance, leurs armes, leur colère et leur furie, les regards des enfants d'Israël se détournèrent de terreur et leur cœur remonta dans leur gorge. Allah tabaraka wa ta'ala, le clément, l'immense, l'omnipotent, le seigneur du trône sublime, révéla à Moussa alors, frappe la mer de ton bâton. On rapporta que lorsqu'il la frappa, il dit, fends-toi avec la permission d'Allah. Allah jalla jalalu dit, nous révélâmes alors à Moussa, frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit, laissant apparaître plusieurs chemins, et chaque versant était-elle une énorme montagne. On rapporte que la mer se fendit en 12 chemins et chaque tribu prit un sentier. On dit qu'il y avait également des ouvertures afin que chacun puisse voir les autres, mais cela est discutable, car l'eau est transparente et laisse passer la luminosité. C'est ainsi que les eaux de la mer devinrent pareilles à des montagnes et se figèrent par la puissance extraordinaire de celui qui dit à une chose soit et elle est. Allah ordonna au vent Ad-Dabour, qui est un vent puissant, de souffler et de frapper le fond de la mer qui devint sec et ne collait pas aux sabots des chevaux et des montures. Allah dit tabarak wa ta'ala, وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ. Sourate 20, verset 77 à 79. Nous révélâmes à Moussa, pars dans la nuit avec mes serviteurs, puis trace-leur un passage à sec dans la mer sans crainte d'être attrapé par Pharaon et sans éprouver aucune peur. Pharaon les poursuivit avec ses armées et la mer les submergea totalement. Pharaon a égaré son peuple et ne les a pas guidés. L'essentiel est que par la volonté du Seigneur immense, la mer se fendit et on ordonna à Moussa de la traverser en compagnie des enfants d'Israël. Ils s'empressèrent de s'y engouffrer avec bonheur en voyant cet événement extraordinaire qui éblouit les regards et guida les cœurs des croyants. Ils s'empressèrent de s'engouffrer dans la mer figée par la volonté d'Allah. Lorsque le dernier d'entre eux en sortit, qu'ils la traversèrent et s'en éloignèrent, les premiers soldats de Pharaon arrivèrent sur le rivage. Moussa voulut frapper la mer afin qu'elle retrouve son état initial et que Pharaon et son armée ne puissent pas les atteindre. Mais l'Omnipotent et le Majestueux lui ordonna de laisser la mer telle qu'elle, en lui disant, lui le plus véridique en parole, وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مهرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. La sourate 44, les versets 17 à 33. Et avant eux, nous avons déjà éprouvé le peuple de Pharaon quand un noble messager leur était venu, leur disant « Livrez-moi les serviteurs d'Allah, je suis pour vous un messager digne de confiance. Ne vous montrez pas méprisant envers Allah, car je vous apporte une preuve évidente de la véracité de mon message. Et je cherche protection auprès de mon Seigneur et votre Seigneur pour que vous ne me chassiez pas ou que vous ne me lapidiez pas. Si vous ne voulez pas croire en moi, éloignez-vous de moi. » Il invoqua alors son Seigneur. Ce sont des gens criminels. Voyage de nuit avec mes serviteurs, vous serez poursuivis. Laisse la mer calme, telle que tu l'as franchie. Ce sont des armées destinées à la noyade. Laisse la mer calme, littéralement laisse la mer avec ses ouvertures qui ont été créées. Moussa laissa donc la mer telle qu'elle était. Et lorsque Pharaon arriva et vit ce spectacle éblouissant, il fut pris d'épouvante, mais en le voyant s'engager dans la mer, les soldats se pressèrent derrière lui. Et lorsqu'ils furent tous bloqués au milieu des vagues et que le premier d'entre eux voulut en sortir, Allah ordonna à Moussa de frapper la mer avec son bâton. Il s'exécuta et la mer retrouva sa forme initiale et les submergea sans qu'aucun d'entre eux ne survive. Allah dit à cet effet, et nous sauvâmes Moussa et tous ceux qui étaient avec lui. Ensuite, nous noyâmes les autres. Voilà bien un signe évident, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur est vraiment le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. C'est-à-dire qu'Allah sauva tous ses serviteurs et qu'aucun ne se noya, et qu'à l'inverse, il noya ses ennemis et qu'aucun d'entre eux n'en réchappa. C'est là un grand signe et une preuve irréfutable de sa toute-puissance et de la véracité du message porté par son messager et contenant la législation et la voie à suivre. Il faut savoir que ce jour dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala a honoré les croyants et les a sauvés de l'emprise de Pharaon et qui marquera un tournant dans l'histoire, survint le 10e jour du mois de Muharram. Nous sommes dans la nuit du 10e jour du mois de Muharram. Et demain sera le 10e jour du mois de Muharram, jour durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fortement enjoint à jeûner. Et ceci en signe de reconnaissance. D'ailleurs, l'imam Al-Utheymin, rahimallah tabaraka wa ta'ala, a dit: c'est certes durant ce mois, le mois de Muharram, que Moussa alayhi salatu wa salam ainsi que son peuple furent secourus des ennemis d'Allah, Pharaon et son armée. Et par Allah, ceci est vraiment un grand bienfait qui réclame de la reconnaissance envers Allah Azza wa Jal. De ce fait, lorsque le prophète alayhi salatu wa salam arrivait à Médine, il trouva que les Juifs jeûnaient le 10e jour de ce mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: je suis plus digne de Moussa que vous. Puis il jeûna ce jour et ordonna de le jeûner. Il fut également interrogé sur le mérite du jeûne de ce jour, alayhi salatu wa salam. Et il répondit: j'espère d'Allah qu'il expie les péchés de l'année qui le précède. C'est-à-dire les petits péchés. Cependant, le prophète alayhi salatu wa salam ordonna après cela de se différencier des Juifs en jeûnant le 10 ainsi qu'un jour avant, c'est-à-dire le 9e jour de Muharram, ou un jour après, c'est-à-dire le 11e jour. Par conséquent, le mieux est de jeûner le 10 et d'y ajouter un jour avant ou un jour après. Et l'ajout du 9e jour est meilleur que le 11e. Il te convient donc, ô mon cher frère musulman, que tu jeûnes le jour de Ashura, qui est le 10e jour de Muharram et qui sera pour nous demain samedi, ainsi que le 9e jour, afin de s'opposer aux Juifs comme l'a ordonné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de ne pas s'assimiler à eux. Qu'Allah m'accorde ainsi qu'à vous la réussite pour être reconnaissant de ses bienfaits et l'adorer de la meilleure manière. Qu'il nous préserve du mal de nos personnes par sa protection, il est certes donateur et généreux. C'est un écrit qu'avait fait Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah tabaraka wa ta'ala en date du 21 du mois de Dhul-Hajjah de l'an 1409 de l'Hijra. Il est à noter aussi que Ibn al-Qayyim dans Zadul Ma'ad a dit concernant les mérites du jeûne de Ashura, selon le hadith de Abi Qatada, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: ce jeûne efface les péchés de l'année précédente, comme rapporté par l'imam Muslim. Après cela, nous espérons en plus d'obtenir auprès d'Allah cette récompense, obtenir également la récompense de ce qui suit: faire revivre la sunna en se conformant aux recommandations et à l'exemple du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et inviter les musulmans à pratiquer cette sunna, et ceci fait partie des meilleures actions. Nas'alullah tabarak wa ta'ala yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa nas'aluhu jalla wa ala al-huda wa al-tuqa wa al-afaf wa al-ghina wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.